بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ها نحن في هذا الدرس الرابع من شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام. Nous allons donc aborder le quatrième cours dans l'explication du chapitre du jeûne tiré du livre Umdat al-Ahkam de l'Hafidh al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Un point que j'aimerais citer par rapport au cours d'hier, concernant, avant d'aborder donc le cours d'aujourd'hui, il y a un point sur lequel j'aimerais revenir sur le cours d'hier. Donc, quand on a vu hier à la fin du cours, le fait qu'il n'est pas correct que des personnes, que des musulmans, dans une même ville, dans un même pays, adoptent des visions différentes pour le début du jeûne du Ramadan. Cependant, il y a des fois où cela va être inévitable. Pourquoi ? Comme on a vu hier, ce n'est pas possible que la vision se fasse par le calcul. On a dit hier que la vision ne se fait pas par le calcul. Et donc, si certains appliquent la vision par le calcul, et que, excusez-moi, si ce n'est pas la vision par le calcul, si certains appliquent donc le début du jeûne en se basant sur le calcul, alors nous ne pouvons pas les suivre en cela. Car la législation du prophète, la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala, nous montre clairement donc qu'il y a deux moyens, comme nous avons cité hier. Soit nous terminons les 30 jours de Sha'ban, soit nous voyons donc le croissant lunaire. Et donc on fait attention par rapport à cela. Barakallahu fikum. Fa al-hadith alladhi ba'dahu. Et donc le hadith suivant, le hadith qu'on va voir aujourd'hui, le hadith al-thalith, le troisième hadith. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. Selon Anas ibn Malik رضي الله عنه, que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit: pratiquez le suhur, car il y a dans le suhur une bénédiction. Pratiquez le suhur. Le suhur, avec une domma au-dessus du signe, pratiquez le suhur. Le suhur, c'est le fait de se nourrir, de manger à la fin de la nuit. Le fait de se nourrir à la fin de la nuit, cela s'appelle es-suhur. Car il y a dans le sahur. Il y a dans le sahur. Le sahur, c'est donc le repas qu'on va utiliser pour le suhur. Et donc il y a dans le suhur une bénédiction. Was-suhuru ma yutasahharu bihi. Et donc le suhur, comme je l'ai expliqué, c'est ce qui est utilisé pour pratiquer le suhur, pour manger durant la fin de la nuit. Qalatil ulama وَكَأَنَّ السَّحُورَ سُمِّيَ بِاسْمِ زَمَنِهِ لِأَنَّهُ يُفْعَلُ فِي السَّحَرِ قُبَيْلَ الْفَجْرِ وَيَدْخُلُ وَقْتُهُ بِنِصْفِ اللَّيْلِ. Et donc les savants, ils disent, c'est comme si le sahur, donc le sahur, le repas de la fin de la nuit, c'est comme si le repas a été appelé par son temps, car celui-ci est fait durant le sahar. Al-Sahar, avant le Fajr. C'est la période un peu avant le Fajr. Et donc, comme si ce repas, il a été appelé par son temps. Al-Sahar. Et donc, ce moment-là s'appelle Al-Sahar. Et le repas, il s'appelle Al-Sahur. Et son temps commence à partir de la moitié de la nuit. Le Sahur, son temps commence à partir de la moitié de la nuit. أما البركة فقال أهل العلم إنها موجبة للثواب وزيادته وثمرته. ومما يدل على هذه البركة أن السحور يفعل قبيل الفجر. فالإنسان يستيقظ للسحور ويدعو ربه في الثلث الآخر من الليل. Et donc, en ce qui concerne Al-Baraka, en ce qui concerne la bénédiction, alors les gens de science, ils disent que celle-ci, la bénédiction liée au sahur, la bénédiction liée au repas de la fin de la nuit, celle-ci implique l'augmentation. Donc l'augmentation du bien, l'augmentation, elle implique la récompense et l'augmentation des récompenses et les fruits de celle-ci. Et parmi les éléments qui vont montrer, appuyer cette bénédiction, il y a le fait que as-sahur, donc le repas du sahur, se fait un peu avant le fajr. La personne, l'individu, va donc se réveiller, se lever pour pratiquer le suhur et invoquer son Seigneur durant le dernier tiers de la nuit. Fi thuluthil akhir min al-layl, le dernier tiers de la nuit. Akhraja البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. البخاري ومسلم cité dans le recueil authentique الصحيح الصحيحين selon Abi Huraira رضي الله عنه que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit: notre Seigneur le très haut descend durant chaque nuit au ciel le plus bas lorsqu'il reste le dernier tiers de la nuit. Et il dit: qui m'invoque afin que je l'exauce, qui me demande afin que je lui donne, qui implore mon pardon afin que je le pardonne. Fahadi min barakati suhur. Et donc cela fait partie de la bénédiction du suhur, le fait de manger, donc durant le dernier tiers de la nuit. An yanal al insan hadha al fadl, donc le fait que la personne va atteindre ses mérites. Wa antahizu al farsa. فإنكم أيها الإخوة والأخوات تشاهدون أن الوباء الذي ابتلانا الله به ينتشر يوما بعد يوم. Et donc je saisis l'occasion, ô mes frères, pour vous dire que mes frères, mes sœurs, vous voyez, vous êtes témoins de ce qui se passe autour de vous. L'épidémie par laquelle Allah tabaraka wa ta'ala nous éprouve se propage de jour en jour. Wa nasma'u izdiyad al-mauta wal-musabin ila an al-masajid ughliqat wa kathiran min ash-sharikat ta'attalat 'an al-'amal kadhalik. Nous entendons donc une augmentation des morts et de ceux qui sont touchés par cette épidémie, à tel point que les mosquées ont été fermées. Mais aussi, les entreprises, beaucoup d'entreprises ont donc arrêté leur activité. Faya Abdallah, wa amatallah, in lam tastayqidha al-an, fi thuluth al-akhir min al-layl. Et donc, ô Abdullah, serviteur d'Allah, Amatallah, servante d'Allah, Si vous ne vous réveillez pas maintenant, durant le dernier tiers de la nuit, l'iddu'a wal istighfar, pour invoquer et implorer le pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala, in lam naf'alhu al'an famata. Si nous ne faisons pas ça maintenant, alors quand allons-nous le faire? Quand allons-nous le faire? Hal nantadhiru al-maut hatta nusliha hadha al-khalal alladhi fina. Est-ce que nous attendons la mort? Est-ce que nous attendons la mort pour pouvoir corriger ce manque qu'il y a en nous? Le fait qu'on n'arrive pas à se lever la nuit pour prier, pour invoquer. Est-ce que nous attendons la mort pour le faire? وَأَنْتُمْ تَعْرِفُونَ أَنَّ الْمَوْتِ إِنْ حَضَرَ فَانْتَهَى الْعَمَلِ. Et vous savez que si la mort est présente, alors les œuvres sont terminées. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans son livre hatta idha ja'a ahadahum al-maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fi ma tarakt kalla innaha kalimatun huwa qa'iluha wa min wara'ihim barzakhun ila yawm yub'athun. Et lorsque vient à l'un d'entre eux, la mort, et lorsque la mort vient à l'un d'entre eux, et qu'ils disent « Ô Seigneur, ramène-moi à la vie, afin que je puisse accomplir de bonnes œuvres dans ce que j'ai délaissé. » Qu'elle est, mais non, c'est juste une parole qu'il prononce. C'est juste une parole qu'il prononce. Et il y a derrière eux une barrière jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Une barrière donc, al-barzakh, la vie donc entre la vie de ce bas monde et donc la résurrection, la vie dans la tombe. Fajtahidu ayyuha al-ikhwa wal-akhawat. Fa innana illam nastayqidh al-an. في هذا الوضع المخيف فلا أدري متى سنستيقظ. Et donc, efforcez-vous, mes frères et mes sœurs, d'accomplir de bonnes actions, d'invoquer votre Seigneur, d'implorer son pardon, de vous lever la nuit pour prier, car si nous ne nous levons pas maintenant, actuellement, dans la situation dans laquelle nous sommes, cette situation effrayante, alors, je ne sais pas quand est-ce qu'on va pouvoir se lever. وكذلك من بركة السحور أن المتسحر يتقوى على الصيام. Et aussi parmi les éléments donc, qui montrent la bénédiction qu'il y a dans le suhur, il y a le fait que la personne qui va appliquer cela, qui va donc se nourrir durant la fin de la nuit, qui va appliquer donc as-suhur, cette personne va se renforcer pour le jeûne. Elle va se renforcer pour le jeûne. Wa aidan al-mutasahhiru muttabi'un li sunnati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa hadihi. Et aussi celui qui applique le suhur, celui qui va prendre ce repas en fin de nuit, il va suivre la sunna, la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa guidée. Il va suivre les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa kadhalika al-mutasahhiru yaghlibu alayhi annahu yudriku al-fajr. Et aussi celui qui va prendre ce repas donc à la fin de la nuit, et donc en général celui-ci, il va atteindre la prière du Fajr, il va prier le Fajr. Il va pouvoir prier le Fajr en groupe, puisqu'il est réveillé. وَقَدْ نَقَلَ إِبْنُ الْمُلَقِّنِ وَغَيْرُهُ الْإِجْمَعَ إِجْمَعَ الْعُلَمَ عَلَى اسْتِحْبَابِ السُّحُورِ وَأَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ. Et certes, Ibn al-Mulaqqin et d'autres savants, rahimahumullah, ont cité l'unanimité des savants quant au fait que as-suhur, donc le fait de manger durant la fin de la nuit, que cela est recommandé et que cela n'est pas obligatoire. Al-Hadith al-Rabi'a, le quatrième hadith. An Anas ibn Malik radiyallahu anhu, an Zayd ibn Thabit radiyallahu anhuma qal, تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة قال أنس قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور قال قدر 50 آية. Selon Anas ibn Malik, selon Zayd ibn Thabit رضي الله عنهما, Zayd ibn Thabit qui dit « Nous avons fait le suhur avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Puis celui-ci s'est levé pour la salat. » Qala Anas. Anas il dit « J'ai demandé à Zayd combien de temps il y avait entre le adhan et le suhur. » Alors Zayd a dit « Il y avait le temps qui suffit pour réciter 50 versets. » Il y avait le temps qu'il suffit pour réciter 50 versets. Fil hadith dalil ala istihbab as-suhur wa ta'khirihi. Il y a dans ce hadith une preuve montrant que as-suhur est recommandé. As-suhur, donc le repas en fin de nuit, est recommandé. Et qu'il est recommandé de le faire tarder, de le faire tardivement. Donc on a déjà vu précédemment que le suhur, il commence à la moitié de la nuit. Mais il est recommandé de le faire tardivement. Wa fi hadha raddun ala man ya'malu bi bid'ati al-imsak wa yatruku sunnata an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bal yatruku sarih al-Qur'an. Il y a en cela une réplique quant à ceux qui vont œuvrer avec l'innovation de l'imsek, le fait de s'arrêter de manger un peu avant le fajr, par précaution, ce qu'ils appellent donc l'imsek, vous voyez dans les calendriers parfois. Et donc il y a en cela une réplique quant à ceux qui vont œuvrer avec cette innovation de l'imsek, et qui vont délaisser la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais pire que, et donc plus encore, ils vont délaisser les paroles claires du Coran. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Et mangez et buvez jusqu'à ce qu'apparaisse de façon claire pour vous la distinction entre le fil blanc et le fil noir du fajr. قال ابن كثير رحمه الله أباح تعالى الأكل والشرب مع ما تقدم من إباحة الجماع في أي الليل شاء الصائم إلى أن يتبين ضياء الصباح من سواد الليل وعبر عن ذلك بالخيط الأبيض من الخيط الأسود انتهى. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, il dit dans son tafsir, Allah le Très-Haut, il a rendu licite la nourriture et la boisson et ce qui a été cité avant cela parmi la licéité des rapports, donc les rapports conjugaux, à n'importe quel moment de la nuit, à n'importe quel moment de la nuit que le jeûneur désire, jusqu'à ce qu'il apparaisse clairement la distinction entre la lumière de l'aube et la noirceur de la nuit et l'aspect sombre de la nuit. Et certes, Allah tabaraka wa ta'ala a cité cela par la distinction entre le fil blanc et le fil noir. Fin de citation. أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. Al-Bukhari et Muslim ont cité dans leur recueil selon Aïcha radiallahu anha qui dit: certes Bilal fait le Adhan durant la nuit. Donc le premier Adhan, le Adhan qui vient et qui dit, excusez-moi, le Adhan lié au Fajr, le Fajr qui vient et qui disparaît par la suite. Alors mangez, donc le prophète qui nous dit, alors mangez et buvez jusqu'à ce que Ibn Ummi Maktoum fasse le Adhan. Et donc là, le Adhan du Fajr. Et donc, manger jusqu'au Adhan du Fajr. فَهَلْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَقُولُونَ بِالْإِمْسَاكِ قَبْلَ الْفَجْرِ أَشَدُّ احْتِيَاطًا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Et donc, est-ce que ces personnes qui disent qu'il faut faire l'imsak avant le Fajr, est-ce que ces personnes, donc, sont plus précautionneux? Est-ce que ces individus sont plus précautionneux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam? فَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ أَنْ يُمْسِكَ عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ قَبْلَ دُخُولِ الْفَجْرِ إِحْتِيَاطًا أَوْ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ لِأَنَّ هَذَا الْإِحْتِيَاطِ لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ وَلِأَنَّ التَّقَرُّبَ إِلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ وَلَا دَلِيلَ عَلَى ذَلِكَ. Et donc l'individu ne peut pas s'abstenir de nourriture et de boisson avant le début du Fajr, avant l'entrée du Fajr, pendant Ramadan, et ce, par précaution. La personne, elle ne peut pas faire ça par précaution. Ou alors pour se rapprocher d'Allah. Elle se rapproche d'Allah, donc, dans le fait d'arrêter de manger avant, donc, pour prendre ça comme acte d'adoration, on a fini avant, ou alors pour être sûr que j'ai fini avant le Fajr. Tu ne peux pas faire ça. Pourquoi? Parce que, donc, ce ihtiyat, c'est-à-dire cette précaution, elle n'est pas à sa place. Le prophète, il n'a pas pris cette précaution. Et aussi, le fait de se rapprocher d'Allah, tabaraka wa ta'ala, cela nécessite une preuve. Quand tu veux te rapprocher d'Allah, tabaraka wa ta'ala, avec un acte, il te faut une preuve. Il n'y a pas de preuve sur cela. Il est important de comprendre que lorsque tu vas prononcer shahadatayn, ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, tu vas affirmer que nul ne mérite l'adoration en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et tu vas affirmer que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Et donc tu vas adorer Allah seul. Et tu vas suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la façon d'adorer Allah. Tu ne vas pas venir avec des actes d'adoration que tu ramènes toi, de ta réflexion, de ton idée, ou de ton ami que tu aimes bien, ou de tel enseignant qui t'a dit qu'il faut absolument faire comme ça. Non, tu dois suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa aidan, ta'khir al-suhur, et aussi le fait de faire retarder le repas du suhoor, cela est plus profitable dans le fait de renforcer le corps pour le jeûne. Wa fil hadith istihbab ijtima'i lis-suhoor wa anna al-fadil yajlisu ma'a ashabihi fayajtami'una 'ala khayr. Il y a aussi dans ce hadith le fait qu'il est recommandé de se réunir pour le repas du suhoor. Il est recommandé de se réunir pour le suhoor. Et que la personne qui a des mérites, la personne qui est méritable, louable, cette personne, elle s'assied avec ses confrères, avec ses compagnons. Ils se réunissent donc pour accomplir un bien. Suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa aidan, ja'a fi sunani Abi Daoud, an Abi Huraira radiallahu anhu, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam akol, ni'ma sahur al-mu'min, at-tamr. Et aussi, donc, il a été rapporté dans Sunan Abi Daoud, selon Abi Huraira radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: quel bon sahour pour les croyants, les dattes. Wa hadha yadullu Et cela montre le fait qu'il est recommandé de prendre des dates pour le repas du suhur. Wa fil hadith hirsu sahaba ala talab al ilmi fa inna anasan sa'ala an al muddati bayna al suhur wal adhan. Il y a dans le hadith le fait que les sahaba, ils accordaient une grande importance à l'apprentissage de la science, car Anas ici il a demandé combien de temps il y avait entre le adhan et le suhur. Et donc ils aimaient savoir donc qu'est-ce qui leur était profitable, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire à tel moment, etc. Et donc ils accordaient beaucoup d'importance à l'apprentissage. Et comme cela nous devons être, nous devons accorder beaucoup d'importance à l'apprentissage de notre religion. Et enfin pour finir, fi jawab Zayd ma yadullu ala anna hadha alwaqt indahum waqt qira'ah. Il y a dans la réponse de Zayd, lorsque Anas lui a posé la question combien de temps il y a entre l'Eden et l'Iqama, il y a dans la réponse de Zayd ce qui montre que ce temps-là, ce moment-là, à la fin de la nuit, c'était le moment qu'ils utilisaient pour la récitation du Coran. Pourquoi ? Parce qu'il dit, il a cité dans la réponse Qadr Khamsina Aya. Le temps, donc, de réciter 50 versets. Le temps de réciter 50 versets. On arrête là pour ce soir, inshallah ta'ala. Nas'alullaha tabaraka wa ta'ala an yuwaffiqana wa iyyakum lima fihi ridha. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullahu khayran.